إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن منهج الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من قطبية أو سرورية ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولها نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حيث يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد أخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر ففعلوه أو فعل إمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين فدعي الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم سافتاد الله كريا الله et sachez que la méthodologie de la secte du groupe qu'on appelle les frères musulmans et les groupes qui en ont découlé comme le groupe des Qutbiyyin qui suivent aveuglément Sayyid Qutb et des Sururiyya qui suivent aveuglément Zain Abidin Surur Mohamed Zain Abidin Surur ainsi que le manhaj de Jama'at al-Tablir le groupe de Jama'at al-Tablir les gens qui suivent cette voie et les fondateurs de ces groupes ont abandonné la base la plus importante de l'islam c'est-à-dire le tawhid qui est la base de tous les qui est la base de ce à quoi les messagers ont appelé en premier lorsqu'ils sont venus à leur peuple. C'est la première chose à laquelle ils ont appelé leur peuple, en commençant par Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le témoignage du Coran. C'est le témoignage du Coran qui le mentionne et qui le clarifie. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que rien ne peut approcher de faux. La fausseté ne peut l'approcher ni par devant ni par derrière. Et c'est une révélation d'un sage digne de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans le Coran, nous avons suscité dans chaque nation un messager disant à leur peuple, adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Et le tarout, c'est bien entendu tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont commencé leur da'wah par le tawhid. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et a clarifié que chaque fois qu'un prophète venait à son peuple, il leur disait « Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité à part moi. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité à part moi. » Mais ceux-là ont abandonné cette base fondamentale. Et ils ont négligé ce qui s'y oppose, c'est-à-dire le shirk majeur. Et certains d'entre eux, ou certains de leurs dirigeants ou de leurs fondateurs, ont même pratiqué le shirk majeur eux-mêmes, ou l'ont accepté de la part de leurs fidèles ou de la part des musulmans, avec le silence de leur part et sans jamais condamner ce genre d'action. Et donc, c'est à un point tel que les ignorants, maintenant parmi les musulmans, à cause de leur silence, pensent et considèrent par la suite que le fait d'adorer des tombeaux, lorsqu'il y a des malheurs et de demander le secours des morts pour qu'ils viennent répondre à leurs besoins et les délivrer de leur malheur, qu'il n'y a aucun mal là-dedans. Et donc, certains de leurs chefs sont même tombés dans ces exemples d'égarement-là. Et parmi les grands savants de l'islam qui ont suivi la voie des salaf al-salih, on a retrouvé dans leurs paroles des mises en garde et des avertissements au sujet de ce groupe, au sujet de ces groupes contemporains et de ces sectes modernes qui ont contredit la voie des messagers. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette khutba, c'est de rappeler et de mentionner les paroles de nos grands savants, les grands ulama de la sunna, les défenseurs de la voie des salaf al-salih. Qu'est-ce qu'eux ont dit au sujet de ces sectes contemporaines et de ces groupes modernes qui sont apparus au XXe siècle et qui égarent beaucoup de musulmans et qui appellent au désordre et à la corruption dans le monde musulman et même chez les non-musulmans. Et on commence avec la parole de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Samahatu Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Faqad su'ila samahatuhu, rahimahullah, an hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi iftiraq al-umam. Sataftariqu ummati ala 73 firqah illa wahida. هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة؟ فأجاب رحمه الله وقال تدخل في الثنتين والسبعين من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعين والمراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له 73 والفرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه 72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. قال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين. فأجاب الشيخ رحمه الله بعزم وحزم نعم من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهم المرجئة والخوارج وبعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار الخارجين ولكن داخلين في عموم 72. Donc la parole de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, lorsqu'on lui a posé la question au sujet du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'une seule sera au paradis, on lui a demandé est-ce que Jamaatut Tabligh et qu'est-ce qu'elle possède comme forme de shirk et d'innovation et de bid'a, de même que le groupe des frères musulmans, avec ce qu'ils ont comme partisanerie et ce qu'ils ont comme opposition à l'autorité des dirigeants et le refus d'écouter et d'obéir aux dirigeants, est-ce que ces deux groupes font partie des sectes qui vont périr parmi les 72 sectes? Et le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz a dit oui, ils rentrent dans les 72 sectes de l'égarement. Toute personne qui contredit la aqidah de Ahl Sunnah entre dans les 72 sectes. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a dit « Sataftariqu ummati » c'est-à-dire « ma umma va se diviser » c'est-à-dire la umma, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les musulmans. Donc ceux qui ont montré qu'ils ont répondu à l'appel et qui se disent musulmans et qui suivent l'islam, ils sont donc 73 sectes. Et il y en a une parmi ces 73 qui est sauvée et qui est exempte de l'égarement et qui est restée droite sur le droit chemin. Et il y en a 72 autres parmi les sectes qui sont parmi les sectes de l'égarement qui vont périr. Et parmi ces sectes d'égarement, il y en a qui sont mécréantes, il y en a d'autres qui sont pécheurs, et parmi ces sectes, il y en a d'autres qui sont innovatrices, c'est-à-dire qui sont dans la bid'a. Alors, la personne qui a posé la question a demandé, est-ce que ces deux sectes font partie des 72, c'est-à-dire la secte des frères musulmans et la secte de Jama'at al-Tablir, est-ce qu'elles font partie des 72 sectes qui vont périr? Et le cheikh a répondu avec fermeté, oui, elles font partie des 72 sectes qui vont périr. De même que les Mourdi'a hein, et d'autres, les Mourdi'a et les Khawarij, et certains hommes de science considèrent que les Khawarij sont des kuffars qui ont sorti de l'islam. Mais ils rentrent dans le sens général des 72 sectes qui sont dans l'égarement. Maintenant, l'Allama Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, su'ila rahimahullah, ما رأيكم في جماعة التبليغ وهل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوة الدعوة إلى الله. Donc la question qui a été posée au Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, ils ont dit, votre éminence Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, quelle est votre opinion au sujet du groupe de جماعة التبليغ? Est-ce qu'il est permis à celui qui cherche la science ou à d'autres de sortir avec eux sous prétexte de vouloir appeler les gens à Allah? Fa ajab jama'at at-tabligh la taqumu ala manhaj kitabillah wa sunnati rasulih alayhi as-salatu was-salam wa ma kana alayhi salafuna as-salih wa idha kana al-amru kadhalik fala yajuz al-khuruj ma'ahum li'annahu yunafi manhajana fi tablighina li manhaj as-salaf as-salih wa fi sabil ad-da'wati ila Allah yakhruju al-'alim. أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. Et donc le Cheikh Abdulaziz, Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, il a commencé sa réponse en disant, Jama'at al-Tablir ne se tiennent pas sur la méthodologie du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et sur ce sur quoi se tenaient nos pieux prédécesseurs, les salaf al-Salih. Et donc, étant donné que l'affaire est ainsi, il n'est pas permis de sortir avec eux, parce que cela vient en contradiction avec notre méthodologie pour transmettre la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Parce que dans la voie de la da'wa, pour aller appeler les gens à l'islam, ce sont uniquement les hommes de science et les savants qui sortent pour appeler à Allah. Mais ceux qui sortent avec eux, c'est-à-dire avec Jama'at al-Tablir, il est obligatoire pour eux de rester dans leur pays et d'apprendre la science dans leur mosquée, jusqu'à ce que des savants sortent parmi eux et se tiennent dans l'obligation par la suite d'appeler à Allah avec science. Mais tant que l'affaire est telle qu'elle est actuellement, alors le talib ilm, il doit plutôt les appeler, ceux-là, dans leur maison, et leur enseigner la science du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et inviter les gens à celle-ci. Wahum, ay jama'at al-tablir, لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة ولذلك فهم أشبه ما يكون بجماعة الإخوان المسلمين فهم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة ولكن هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم فهذا ما تريدي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له، ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كتل جمع ثم ثقف، والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم، بل مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغى فيهم عالم. أما نحن فنقول ثقف ثم جمع، حتى يكون التجميع على أساس أو على أساس مبدأ لا خلاف فيه. Et donc, les gens de Jama'at al-Tablir, ils ne s'intéressent pas à appeler au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un fondement général. Même qu'ils considèrent que d'appeler au Coran et à la sunna, c'est quelque chose qui divise. Et donc, ils laissent de côté l'appel à la da'wa réelle, au tawhid et à la sunna. Et donc, ils ressemblent à cause de ça au groupe qu'on appelle le groupe des frères musulmans. Parce que ces gens-là, ils prétendent que leur da'wa est établie sur le livre d'Allah et sur la sunna. Mais en réalité, ce n'est que des paroles qu'ils disent. Parce que dans la réalité, ils ne sont réunis par aucune aqidah. Tu vois que parmi eux, il y en a qui sont maturidis, d'autres qui sont ash'ari, d'autres qui sont soufis, d'autres qui sont khariji, d'autres qui sont murji. Et donc, parmi ce groupe, ils ont des croyances différentes à l'intérieur même de leur groupe. Et ils ne s'attardent pas à enseigner aux musulmans les fondements de la aqidah islamique. Et donc, à cause de cette raison, on comprend que leur principe et leur fondement, c'est de réunir les gens, puis de les cultiver. Alors qu'en réalité, ils n'ont aucune culture, aucune science. Et on a vu passer plus qu'un demi-siècle depuis la création de ce groupe. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas vu paraître ou sortir un seul savant de parmi leurs rangs. Et donc, nous on dit au contraire, enseignez aux musulmans en premier et éduquez-les et ensuite réunissez-les. C'est-à-dire que cette union et ce rassemblement des musulmans doit être fait et établi sur la science et sur la aqidah de nos salafs salih, une seule et unique aqidah, et non pas une dizaine ou une vingtaine de croyances différentes sur laquelle on prétend vouloir unir, par la suite unir les musulmans malgré leurs divergences. فَدَعْوَةُ جَمَعَةُ التَّبْلِيرِ صُوفِيَةٌ عَصْرِيَةٌ تَدْعُوا إِلَى الْأَخْلَاقِ أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا لأن هذا بزعمهم يفرق. Et donc, la da'wa de Jama'at al-Tabligh est une da'wa soufia, une da'wa soufia contemporaine qui appelle au comportement mais qui n'a aucun intérêt à la correction et à la purification de la aqidah de la société. Et donc, ils s'imaginent qu'en enseignant aux musulmans la bonne croyance islamique et la vraie aqidah, que ça c'est quelque chose qui divise les musulmans. Donc وقد جرى بين الاخ يعني احد العلماء وبين رئيس جماعه التبليغ في الهند او في باكستان مراسلات تبين منها انهم يقرون التوسل والاستغاثه باشياء كثيره من هذا القبيل ويطلبون من افرادهم ان يبايعوا على أربع طرق صوفية، منها الطريقة النقشبندية والسهروردية والجستية والقادرية، فكل تبليغ ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. وقد يسأل سائل أن هذه الجماعة عاد بسبب جهودها أفرادا يعني كثيرا من الناس إلى الله، بل ربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين، أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ فنقول إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية، فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة لا يعرف شيئا من السنة بل يأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه، فكل جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لهم تبع، ولكن نحن ننظر إلى الصميم إلى الصميم إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ نعم. Et donc, certains d'entre les ulama ont contacté les responsables du groupe de Jamaat Tabligh qui sont en Inde et au Pakistan. Et il y a eu des échanges de lettres entre eux. Et on a compris par les échanges de ces lettres que ces gens-là approuvaient du tawassul qui est innové, le fait de demander à Allah par ses prophètes ou de demander à l'aide des hommes pieux lors des moments de détresse au lieu d'appeler Allah seul. Et ils demandent à leurs fidèles ou à certains de leurs fidèles de donner un serment d'allégeance à leur chef. Et donc, ce serment d'allégeance est établi sur quatre tariqa soufiya, quatre sectes soufiya. Et donc, on voit que certaines personnes argumentent et essaient d'argumenter en la faveur de ce groupe. Et ils disent que beaucoup de gens, à cause d'eux, sont revenus à Allah et se sont repentis. Est-ce que ça c'est pas suffisant pour permettre de sortir avec eux? Et la réponse à ce sujet-là, c'est de dire que on entend cela souvent. On voit par exemple cela de la part des soufis. Par exemple, certains d'entre eux, on voit qu'ils ont un cheikh dont la aqida est corrompue, hein, et qui ne connaît rien de la sunna, et qui mange le bien des gens injustement. Et tu vois que beaucoup de pervers se repentent à cause de lui et cessent de faire certains péchés. Donc, ça c'est pas ça le plus important et le fondement. Parce que tous les groupes appellent à du bien. Et tous les groupes qui appellent à du bien ont des fidèles. Mais le plus important c'est quoi? C'est de regarder à la source, les fondements et les bases et les principes fondamentaux de ce groupe. Vers quoi ils appellent? Et non pas seulement les choses superficielles et apparentes. Est-ce qu'ils appellent à suivre le livre d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la aqida des salaf al-salih et à ne pas être fanatiques pour les différentes écoles, ou bien à suivre la sunna peu importe où elle est et peu importe avec qui elle est? فجماعات التبليغ ليس لهم منهج علمي وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون. Et donc, le groupe de Jamaatut Tabligh, de même que celui des Ikhwan, ce n'est pas une méthodologie qui est basée sur la science de l'islam, mais plutôt leur méthodologie s'adapte selon l'endroit où ils sont et ils changent de couleur selon la nécessité pour plaire aux gens et satisfaire les gens. وقال الشيخ الألباني رحمه الله ليس صوابا أن يقال أن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. Cheikh Al-Albani, il a dit, il n'est pas correct de dire que les frères musulmans, la secte ou le groupe des frères musulmans font partie des gens de la sunna, car ils combattent la sunna. ويقول الشيخ محمد ناصر الدين محمد صالح العثيمين رحمه الله قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهالي الرس مدرس في وزارة التربية أن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ حدثوا بهذا. Donc il a dit, le cheikh Ubayd al-Jabri, il a dit, notre frère Abu Omar, le cheikh Abdul Aziz al-Khalifa, des gens de la ville de Ras, qui est un professeur dans le ministère de l'éducation, il a dit que le cheikh Mohammed ibn Uthaymeen a déclaré d'innovateur le groupe des frères musulmans et le groupe de Jamaat al-Tablir, et il a dit de le transmettre aux gens. العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله قال أجاب على السؤال التالي هل الإخوان المسلمون يدخلون تحت مسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة منهجا وأفرادا أم لا. On lui a posé la question, est-ce que les frères musulmans rentrent dans l'appellation du groupe sauvé ou du groupe victorieux ou des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah en tant que méthodologie et en tant qu'individu ou non? Et le Cheikh Muqbil, il a répondu en disant, أما المنهج فمنهج مبتدع من تأسيسه ومن أول أمره فالمؤسس كان يطوف بالقبور وهو حسن البنا ويدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة ويحتفل بالمولد فالمنهج من أول أمره منهج مبتدع ضال. أما الأفراد فلا نستطيع أن نجري عليهم حكما عاما فمن كان يعرف أفكار حسن البنا المبتدع ثم يمشي بعدها فهو ضال ومن كان لا يعرف هذا ودخل معهم باسم أنه ينصر الإسلام والمسلمين ولا يعرف حقيقة أمرهم فلسنا نحكم عليه بشيء لأننا نعتبره مخطئا ويجب عليه أن يعيد النظر حتى لا يضيع عمره حتى لا يضيع عمره يعني بعد الأناشيد والتمثيليات وانتهاز الفرص لجمع الأموال. Et donc le Cheikh Muqbil, il a répondu à la question, est-ce que les frères musulmans font partie de la méthodologie d'Ahlus Sunnah ou non? Il a dit, leur méthodologie, c'est une méthodologie de bid'ah et d'innovation. Depuis le fondement de ce groupe, depuis le tout début, parce que le fondateur même de ce groupe, Hassan al-Banna, faisait des tours, il tournait autour des tombeaux. Et il invoquait, ou il appelait plutôt au rapprochement entre les gens de la Sunna et entre les Shia. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est impossible, à moins qu'on appelle à faire des compromis et à abandonner la aqidah d'Ahl Sunnah, puisque les Shia Rafida appellent à l'adoration des morts, l'adoration des descendants de Ali radiallahu anhu. Et à l'adoration des tombes, ils font des pèlerinages aux tombes, et leur religion est basée et fondée sur ça, le shirk avec Allah. Sans compter qu'ils insultent les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les déclarent kuffar, en commençant par Abu Bakr, Omar, Othman, radiallahu anhum ajma'in, ils les déclarent kuffar. Alors comment on pourrait appeler un rapprochement avec eux, alors que leur fondement est basé sur qu'est-ce qui oppose le tawhid et l'islam? De même que Hassan al-Banna fêtait la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la naissance de leur chouyour, sans compter qu'il faisait partie lui-même d'une tariqa soufia et qu'il a donné une bay'a à son cheikh soufi qui faisait partie de la tariqa al-hisafiyya, al-shaviliya, hein, et qu'il a grandi dans le tasawuf et dans la bid'a. Donc le manhaj, la méthodologie des frères musulmans est innovée depuis le début. En ce qui concerne les individus, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans le groupe des frères musulmans, on ne peut pas, Cheikh Mokhbel dit, on ne peut pas faire un verdict général sur eux. Parce que parmi eux, il y en a, s'ils connaissent la pensée innovée de Hassan al-Banna, puis ils marchent avec eux, dans ce cas-là, oui, il est égaré. Parce qu'il les a suivis après les avoir connus. Toutefois, si quelqu'un rentre avec eux et ne connaît pas leur réalité, et il entre avec eux dans le but de défendre l'islam et les musulmans sans savoir la réalité de ce groupe et de cette secte, alors dans ce cas-là, on ne va pas juger quoi que ce soit à son sujet, mais on va le considérer comme étant dans l'erreur. Et il est obligatoire pour lui de revoir et remettre en question sa position pour ne pas qu'il perde son temps et sa vie dans les champs soi-disant islamiques et les théâtres soi-disant islamiques et toutes les occasions possibles pour ramasser de l'argent. Parce que c'est ça la méthodologie des Ikhwan. Chanter, faire du théâtre et essayer de ramasser de l'argent à chaque fois qu'il y a des problèmes en Palestine. Également, on a posé la question, « Ma huwa mawqifu ahli sunnati wal jama'a min al-Ikhwan al-Muslimin wa hizb al-Tahrir bayyinu lana wajh inhirafihim jazakumullahu khayran » فكان جوابه رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين أنهم يحكمون على منهجهم بأنه منهج مبتدع، وعلى أفرادهم بأنه من كان يعلم بالمنهج ويلتزم به فإنه مبتدع، ومن كان لا يعلم المنهج وهو يظن أنه ينصر الإسلام والمسلمين فيعتبر مخطئا. وأصل دعوة الإخوان المسلمين دعوة قبورية كما ذكر هذا الأخ الشحي في رسالته حوار هادئ مع إخواني، وهي رسالة قيمة. فقد ذكر أن حسن البنا كان يطوف بالقبور ويحضر الموالد، وذكر غيره بأن البنا كان يهمه أن يجمع الناس ويجمع بين المتناقضات. يقول في بعض رسائله: دعوتنا سلفية صوفية. كيف يتأتى هذا والصوفية بمعنى عن السلفية؟ Et donc la question a été posée encore une fois et la réponse est du même genre que la première réponse par rapport à leur méthodologie, que c'est une méthodologie innovée. Et à la fin on dit que il avait, Hassan al-Banna, réuni entre des oppositions et des contradictions, puisque dans son livre ou un de ses livres il dit que leur appel ou leur da'wa est une da'wa qui est salafia et soufia en même temps. Et comment tu pourrais prétendre que ta da'wa est salafia et soufia en même temps alors que les deux sont contradictoires? La salafia oppose le soufisme et le soufisme oppose la salafia. Et non, donc c'est parmi les exemples de leurs égarements. فدعوة الإخوان المسلمين تعتبر نكبة على الدعوات لأن أكبر أعدائها هم أهل السنة، فهم يتحالفون مع الشيوع والبعث والناصر والعلماني والرافض، ولكن لا يمكن أن يتعاونوا مع السني فهو خطير. Et donc les frères musulmans, ils considèrent, ils sont en fait un grand malheur pour la da'wa. Leur plus grand ennemi pour eux, c'est les gens de la sunna. Et donc, on les voit faire des alliances avec les communistes, avec les ba'athistes, avec les nasiristes, avec les laïcs et avec les rafidah. Mais il n'est pas possible qu'ils s'allient et qu'ils collaborent avec les gens qui sont sur la sunna. Et donc, ça, c'est quelque chose de très dangereux. وقد قال قائلهم: لو أن لي من الأمر شيئا لبدأنا بكم يا أهل السنة قبل الشيوعية، وشاهد ذلك ما حصل لأهل كنر في أفغانستان الشيخ جميل الرحمن، وكان معه رحمه الله، وأبادوا الدعوة وأفنوها في كنر وذبحوا رجالها. Et donc, le cheikh, il mentionne également comment ils ont une haine contre les gens de la sunna, et comment lorsque, en Afghanistan, il y a un état qui s'appelle Kunar, qui s'était établi à la main du cheikh Jamil al-Rahman, qui était sur la sunna, et comment ils l'ont assassiné pour arrêter sa da'wa. فَدَعْوَةُ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ نَكْبَةٌ عَلَى الدَّعْوَةِ دعوة سياسية، فهم يأتون بالسني بالوجه وإذا احتاجوا إليه والبعث بالوجه البعث إذا احتاجوا إليه والشيوع بالوجه الشيوعي. Donc ils viennent à chaque personne selon ce qu'ils veulent entendre. Quand ils veulent parler, quand ils ont besoin des sunnis, ils viennent lui parler selon ce qu'ils veulent entendre. Et quand ils veulent parler avec, ils veulent attirer le communiste, ils lui parlent avec ce qu'ils veulent entendre, et ainsi de suite. Et donc tout ça, ce sont des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve dans les paroles de nos ulama. Un autre exemple pour terminer, la parole de Cheikh Ahmed Shakir Al-Misri rahimahullah. يقول حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليه الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. أحمد شاكر a dit le mouvement de Hassan al-Banna et de ses frères musulmans qui ont transformé la da'wa islamique en un appel criminel qui appelle à la destruction. Et ce sont les communistes et les juifs qui les financent. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu, avec certitude. يقول الشيخ حماد الأنصاري سؤال يا شيخ جماعة الإخوان والتبليغ هم من أهل السنة فقال الشيخ حماد كل من كان على فكر مخالف لأهل السنة فليس منهم فجماعة الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل السنة لأنهم على أفكار تخالفهم. Et donc on a posé la question au Cheikh Hamad al-Ansari, le grand muhaddith de Médine. Ô Cheikh, le groupe des frères musulmans et Jama'at Tablir, est-ce qu'ils font partie des gens de la Sunna? Et il a répondu, toute personne qui a une idéologie ou une idée qui est en contradiction avec les gens de la Sunna, alors il n'est pas des leurs. Et donc le groupe des frères musulmans et les de Tablir ne sont pas parmi les gens de la Sunna parce qu'ils sont sur des idées qui sont en contradiction avec eux. Et donc, bien entendu, il y a beaucoup de fatawa et on ne peut pas les lire toutes parce que ce serait trop long de toutes les mentionner. Mais je vous en ai mentionné quelques-unes pour vous faire comprendre et connaître la position de nos grands savants au sujet de Jama'at al-Tablir. Et pour que vous sachiez que ce n'est pas une position qu'on a inventée par nous-mêmes, ce n'est pas une idée qu'on a développée par nous-mêmes, mais c'est la position de nos grands savants et de nos grands ulama qui s'accrochent à la sunna et qui s'accrochent à la compréhension des salaf al-salih et qui ont émis leur position. Et il y a des réfutations sur cette secte des frères musulmans qui sont détaillés avec des explications et des preuves et des hadiths et des versets de Coran et avec les citations de chacun des fondateurs et des membres de ce groupe en détail. Et sachez que le groupe des frères musulmans, peu importe où ils sont, ils ont des noms différents. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas nécessairement « nous sommes le groupe des frères musulmans ». Donc ils vont prendre d'autres noms et ils vont ouvrir des mosquées et ils vont ouvrir des centres islamiques avec des noms différents. Et quand vous les voyez de l'extérieur, vous ne savez pas et vous ne réalisez pas que ce sont des frères musulmans parce qu'ils ne disent pas « nous sommes des frères musulmans ». Mais ils appellent aux mêmes fondements et aux mêmes idéologies que les frères musulmans. Donc ils peuvent être dans des associations étudiantes, ils peuvent être dans des mosquées, ils peuvent être dans des centres islamiques, ils peuvent être même dans des écoles islamiques. Et il y en a à Montréal une grande portion de ces mosquées et de ces centres qui sont contrôlés par les frères musulmans sous différents noms et même qui ont parfois différentes tendances parce que vous savez que les frères musulmans sont aussi divergents entre eux que yani, les différentes sectes qui existent puisqu'ils acceptent tout le monde. Tu trouves parmi eux les extrémistes, les khawarij, takfiriyin, hein? Tu trouves parmi eux les soufis, modernistes, hein? Tu trouves parmi eux les laïcs même parfois, et tu trouves parmi eux les gens avec cravate et veston, comme tu trouves parmi eux également les gens avec la barbe et le qamis, et les femmes avec le niqab, ou bien avec le petit fichu et des pantalons. Tu trouves parmi eux toutes les tendances, et donc c'est pour cette raison-là que on ne peut pas les reconnaître juste par leur apparence, et ni par le nom ou l'affiliation. Certains vont même nier qu'ils font partie des frères musulmans, alors qu'ils sont dans leur rang, et qu'ils les supportent, et sont de leurs sympathisants. Et je pourrais énumérer des noms de mosquées et des noms de centres, mais je ne vais pas le faire pour cette fois-ci. Mais si un jour c'est nécessaire de le faire, je le ferai sans aucune hésitation et sans aucune crainte, pour donner le bon conseil à la Ummah et aux musulmans, et en particulier à ceux de la communauté des musulmans de Montréal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteur d'Allah, Vous avez certainement entendu ce qui s'est produit en France, à Paris, il y a de cela 2 jours. Et donc, on a posé la question à un de nos grands savants, le Cheikh Ubayd al-Jabri, au sujet de cet événement, le meurtre de 12 personnes dans les bureaux du journal Charlie Hebdo en France. Et donc, on a posé au Cheikh Ubayd la question suivante. Vous n'êtes pas sans savoir, ô notre Cheikh, qu'Allah vous préserve, quand ce mercredi matin, le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été tuées, dont 8 journalistes et un policier au siège d'un journal dans le centre de Paris. Et ceux qui ont commis ce crime ont prétendu avoir vengé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant les doigts pointent vers les musulmans. Et hier, certaines mosquées ont essuyé des tirs et une grenade a été jetée dans une mosquée. La question est donc, quelle est la position salafie envers ces actes terroristes, c'est-à-dire salafie, les musulmans qui suivent la voie du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Quelle est la position des musulmans sur cette voie envers ces actes terroristes? Et quel est votre conseil pour les musulmans en général en France? Et pour les prédicateurs et les imams salafis qui délivrent les khutab en particulier. Et la réponse de notre Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, est la suivante. Au nom d'Allah, toute la louange revient à Allah. Et que la prière et la salutation d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci étant dit, premièrement, ces actes terroristes ne font pas partie des actions des gens de la sunna, de la tradition prophétique, de la sunna. Mais au contraire, ils font partie des actions des causeurs de troubles parmi les khawarij et ceux qui gravitent dans leur orbite s'ils se revendiquent de l'islam. Deuxièmement, je dis à vos voisins parmi les non-musulmans français ou autres en Europe et en Amérique, vous ne trouverez aucun savant parmi les gens de la sunna qui approuve ces actes et y incite, mais au contraire, les gens de la sunna, que cela soit leurs savants ou leurs étudiants en sciences islamiques ou le commun des gens parmi eux, condamnent et abhorrent ce genre d'actes anarchiques. Et ceux qui ont commis ces actes sont soit des khawarij ou des ignorants qui ne connaissent pas la sunna et ne savent pas comment les gens de la sunna se comportent envers leurs voisins non musulmans. Les gens de la sunna sont bienfaisants envers leur voisinage et respectent leurs engagements, pactes et conventions et désapprouvent de ces actes anarchiques et barbares. En guise de conclusion, je conseille à nos fils parmi les musulmans qu'ils soient des imams qui délivrent les sermons ou des enseignants ou prédicateurs de proclamer leur désaveu de ces actes barbares, qu'ils le notifient aux forces de l'ordre et tous ceux qu'ils peuvent joindre. Qu'Allah félicite tous ceux dont il est satisfait et que la prière et la salutation d'Allah soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons, dictés par le Cheikh Ubayd ibn Abdullah ibn Sulayman al-Jabri, anciennement enseignant à l'université islamique de Médine, et ce le matin du vendredi 18 de Rabi' al-Awwal 1436, correspondant au 9 janvier 2015, traduit par notre frère Mahdi Abu Abdurrahman, revu et corrigé par notre frère Ammar Abu Nawas al-Jazairi, et revu et corrigé et posé par le frère Hassan Abu Asma al-Maghribi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمع أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله